des points de vue, des perceptions de sa conscience vibratoire, dans la mesure où lui est capable de partir de là, puis il met ça sur son épaule.